Chapitre 10e. Cette découverte de l'empreinte laissée par le pied nu est en effet terrible, et malgré leur vaillance éprouvée, les deux amis ne peuvent s'empêcher de frissonner. Il est bien évident que l'ennemi est seul et qu'il n'a pas osé affronter deux aussi rudes jouteurs. Oui, il a dû s'enfuir avant le retour du fond de la cité aérienne, mais où est-il allé? Qui sait s'il n'est pas tapi là, tout près, sous les broussailles, l'arme braquée sur eux, attendant le moment favorable pour les fusiller sans danger. Jean et Joey comprennent tout cela d'instinct, en quelques secondes rapides, au moment où l'empreinte leur apparaît. Cependant, le nom d'Andrés revient sur les lèvres de Jean qui ajoute, indigné, « Andrés, oui, c'est lui. Mais pourquoi cette idée singulière de marcher pieds nus ?»« Eh, c'est tout simple, » répond Joey. « Le gredin veut agir sans être connu de nous. » Il ne veut même pas que nous soupçonnions qu'il sait l'existence du trésor. Et il espère nous donner le change en nous faisant croire qu'il est toujours là-bas, acharné après la hacienda del refugio. Oui, tout cela est possible. Or, je connais, moi, la trace de son pied chaussé de la botte et même du mocassin. Il le sait. C'est pour cela qu'il s'est déchaussé, pour espionner devant la maison de Mamita et devant le trésor. C'est parfaitement juste. Quant à cette empreinte que nous venons de découvrir et qu'il avait intérêt à cacher, il n'a pas eu le temps de l'effacer, et il a dû s'enfuir en nous entendant revenir. Voilà l'exacte vérité. Du reste, inutile de chercher à lui donner la chasse. Il est parti en bondissant à travers les éboulis, et n'a pas laissé d'autres vestiges de son passage. Tout en conversant ainsi, les deux amis font à travers les accidents de terrain une véritable retraite de Port-Rouge. Dissimulés derrière les roches, les touffes de buissons, les racines, ils s'éloignent du nid de l'aigle. Invisibles, rampant sur les coudes et les genoux, ils se dirigent vers la faille au fond de laquelle gronde le torrent. Une mortelle angoisse les saisit en pensant à leurs chevaux. Ils craignent que les vaillantes bêtes n'aient été ou capturées ou tuées par l'ennemi pour les immobiliser, eux, les hommes, dans l'immensité du désert. Brusquement, des bruits lointains les font sursauter, des coups secs, crépitants, qui viennent se répercuter au flanc vertical de la sierra. L'oreille exercée des deux chasseurs ne s'y trompe pas. « Des coups de Winchester, » dit Jean. « On se bat là-bas, » ajoute le métis. Des détonations plus violentes et plus sonores se mêlent aux premières. C'est un feu roulant que l'on dirait produit par des armes de gros calibre et chargé à la poudre de guerre. « Des coups de fusil, et de fusil mexicain, » reprend Jean dont l'inquiétude grandit. « Au tapage que font ces gens-là, ils doivent être 50. » « Oui. » Nous jouons de malheur. Et jamais il n'y eut tant de monde au milieu de ce désert. Ils avancent plus rapidement et arrivent à la coupure béante qui les empêche d'aller plus loin. Elle s'ouvre au bas de la muraille à pic et apparaît pleine d'une eau blanchâtre qui bouillonne, tournoie et se brise à 10 mètres de profondeur. Impossible de franchir ce gouffre. À tout hasard, les deux amis grimpent sur un rocher qui leur permet de voir au-dessus des broussailles. Ils aperçoivent, au milieu des sables, deux groupes de gens qui se battent avec fureur. L'un, peu nombreux, comprend une dizaine d'hommes. L'autre en compte au moins une quarantaine. Tous sont à cheval. Une distance d'environ 1500 mètres les sépare de la faille. Mais Jean et Joey peuvent, malgré la fumée, reconnaître à peu près leurs habillements. « Des Yankees et des Mexicains, j'en étais sûr, » dit Jean. « Tu ne t'étais pas trompé. Des Winchester contre des fusils. » Vêtus de gris, les Yankees forment un peloton compact qui lutte intrépidement et s'éclaircit à vue d'œil. Les Mexicains, aux costumes sombres, tourbillonnent autour d'eux, les pressent, les enveloppent et les fusillent au galop. D'instinct et sans savoir pourquoi, Jean de Fer sent son cœur se serrer. Certes, il y a beaucoup d'Américains dans la région. Mais le jeune homme songe malgré lui aux cavaliers de Harry Jones qui, là-bas, intervinrent en pleine révolte et sauvèrent la hacienda. Et cette pensée qui s'allie à celle de Juana, la chair absente, ne le quitte plus. Alors Joey l'entend murmurer sourdement. « Mais alors, d'où viennent-ils? Quelles terribles choses sont arrivées là-bas? Un désastre ?» Des corps inertes jonchent le sol, et des chevaux sans cavalier s'en vont en débandade au triple galop, les étriers battant. Un de ces chevaux passe près d'un gros buisson, s'arrête un moment, effrayé en renaclant. Sous ce buisson est tapi un homme. Tête et jambes nues, il jaillit de son abri comme un diable d'une boîte à surprise, saisit l'animal par la bride et lui saute sur le dos. Les Mexicains l'acclament bruyamment et caracolant sur la bête effrayée, il prend place dans la troupe assaillante. Joey reconnaît l'espion subtil, l'ennemi implacable et dangereux qui, glissant devant eux, leur a une seconde fois échappé. Il pousse un cri de fureur et porte sa carabine à l'épaule. « Andrés, maudit, attends un peu !»« Ne tire pas !» dit Jean. « Ne tire pas, il est trop loin !» Malgré cette sage recommandation, le coup part. La haine fait oublier toute prudence à Joey. Il suit, pour ainsi dire, de l'œil le sillage de sa balle à travers les couches d'air. Mais pour la première fois, l'infaillible tireur a manqué son but. Il gronde en serrant le poing. « Démonio, tu avais raison. Le rascal est trop loin. Et j'ai révélé notre présence. Quel brute je fais avec mes colères sauvages. » Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, et l'occasion va se présenter bientôt. Ce coup de feu inattendu, cette balle qui siffle produisent là-bas un moment de désarroi. Moment très court, mais dont les Américains, hommes de courage et de résolution, cherchent à profiter. Blessés pour la plupart, décimés, farouches, ils font à travers les rangs des Mexicains une trouée sanglante et galopent d'instinct vers le flocon de fumée. Qui sait? Là est peut-être le salut. Frère, à nous deux, commente froidement Jean. Il s'agit de renouveler ta manœuvre qui nous sauva là-bas, ma chère Juana et moi, quand les Indiens allaient nous prendre. J'ai compris. Tu es chenille à droite et moi à gauche, ces Mexicains de malheur. Allons-y, et toujours dans le tas. La troupe hurlante se rapproche. Assaillants et fugitifs se dirigent face à face droit au torrent. Feu ! Gronde Jean de fer. Les deux coups cinglants des mousquetons se confondent en une seule et même détonation. Deux Mexicains frappés en pleine course lâchent leurs armes aussi, tournent sur la selle et finalement tombent sous les pieds des chevaux. Andrés, mais où est Andrés ? Joey le cherche de l'œil et ne peut le distinguer au milieu de la cohue mouvante. Feu ! Feu à volonté ! Il n'est que temps ! Pour la seconde fois, les mousquetons vibrent et deux nouvelles victimes s'abattent. Les deux groupes confondus ne sont pas à 500 mètres, et les Mexicains, furieux de ces diversions mortelles, tiraillent de plus belle sur les Yankees. Ils veulent les anéantir et les criblent de balles. Le nombre des malheureux fugitifs diminue à vue d'œil. Bientôt ils ne sont plus que 4, plus que 3, plus que 2, et c'est terrible de les voir ainsi périr. Certes, les Mexicains ont payé cher ce succès. Jean et Joey ont épuisé avec leur adresse coutumière le magasin de leurs armes à répétition et fait pas mal de victimes. Mais l'assaillant a le nombre pour lui, hélas, et l'anéantissement menace d'être complet. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul fugitif. C'est un géant bâti en force, tête nue, en lambeaux, dont le cheval blanc d'écume, crin au vent, naseau au béant, prend subitement une avance considérable. L'homme a dû lutter jusqu'au bout pour défendre ses compagnons. À présent qu'il est seul, il fuit et demande à sa bête le suprême effort. On tiraille sur lui et on le manque. Il va. Et tout à coup, Jean frémit jusqu'au fond de son âme. Dans ce cavalier traqué par la bande qui hurle un halali furieux, dans cet homme prêt de succomber comme un fauve aux abois, Jean reconnaît Harry Jones, l'Américain milliardaire, son rival. Il le voit arriver en tempête vers l'abîme infranchissable. Ce torrent qu'il ne peut apercevoir et qui gronde entre les deux murailles à pic de la faille basaltique. En arrière, les Mexicains qui vont le prendre, en avant, l'abîme qui va le dévorer. Il va toujours, sans rien soupçonner. Le malheureux, il est perdu, murmure Jean saisi d'une pitié profonde. Oh, comment le sauver ? Oui, sauver son rival, et ce mot peint l'âme généreuse de Jean. Dans l'instant, d'une seconde poignante, il revoit le passé, si doux et si cruel. C'est là-bas qu'il aperçoit comme dans un éclair d'orage la hacienda en pleine révolte. Juana et sa souveraine beauté dont le reflet illumine tout. Puis ce même Harry Jones, ses assiduités près de la jeune fille. L'ultimatum brutal de Don Blas qui le désespère, lui, le pauvre Jean. Puis l'adorée figure de Juana qui lui dit « Je suis votre fiancée ». Et c'est Harry Jones qui va périr. Ce milliardaire jeune, brave, superbe, que Don Blas veut imposer à sa fille. Pas un moment ne s'élève dans l'âme de Jean l'inhumaine pensée de laisser s'accomplir la destinée. Coûte que coûte, il tentera d'arracher Harry à la mort. La voix de Joey le fait sursauter. « Hell damn it ! Plus de cartouches ! Elles sont restées là-bas avec les paquetages !» Harry n'est plus qu'à 60 mètres du torrent. D'instinct, Jean se lève, quitte son abri, bondit vers la faille, et sa carabine déchargée se dresse en pleine lumière. Il fait au cavalier de la main des signes impérieux d'obliquer à gauche et lui crie à pleine poitrine « À gauche, sur votre vie, à gauche !» Harry ne comprend-il pas? N'entend-il pas? Son cheval est-il emballé? Il continue à courir sur l'abîme. À 10 pas seulement, il aperçoit la coupure, de la même nuance que le sable, les deux arêtes rocheuses, dures, sèches, anguleuses. Trop tard. Il est trop tard pour obliquer. Homme de sang-froid et de résolution, Harry, se sentant perdu, joue bravement son va-tout. Au moment où il reconnaît Jean de Fer et saisit l'à-propos de son habit, il met les éperons au flanc de son cheval et l'enlève. Le cheval, une magnifique bête du Texas, fait un bond formidable au-dessus du torrent. Jean, crispé, la sueur au front, le cœur serré, l'aperçoit un moment dans le vide. Par un miracle de vigueur, d'adresse et d'énergie, ses sabots de devant atteignent la rive opposée. À l'encontre des chevaux mexicains, il est ferré. De ses clous, il s'agrippe un moment à la plateforme de granit. Il y a un rauque froissement et des gerbes d'étincelles. Sentant l'invincible attirance du vide, le cheval hennit, darde un regard d'épouvante et lâche pied. Cela dure à peine quelques secondes. Suspendu au-dessus du torrent, Harry a juste le temps de crier à Jean « Merci, adieu John !» Puis, autre chose que Jean, muet d'horreur, n'entend pas et où il semble percevoir les noms de Don Blas et de Juana. Monture et cavalier tombent à pic dans le gouffre. Le cheval rencontre une saillie qui l'éventre, et le contre-coup terrible fait rebondir l'homme au milieu des flots. Assommé, le malheureux est saisi par un tourbillon. Jean, penché sur le torrent, voit les bras de Harry s'agiter convulsivement et sa tête émerger un moment des eaux fouettées d'écume. Puis il entend un cri déchirant jaillir de ses lèvres. « À moi ! Au secours !» Cette clameur inconsciente de l'être vaillant et fort que la mort va prendre en pleine vigueur monte, lugubre, au milieu des grondements de l'abîme. Et Jean, frémissant jusqu'au fond de son âme, ne peut résister à cet appel suprême. Il se relève d'un bond, cherche de l'œil la place où Harry disparaît et résolument saute au beau milieu du torrent. Les Mexicains qui poursuivaient le fugitif connaissent évidemment l'existence du gouffre. Ils s'arrêtent à 50 pas comme des gens dont l'atroce besogne est finie et s'esclavent bruyamment devant cet épilogue tragique de la lutte. D'autre part, la succession des faits a été si rapide que Joey n'a pas eu le temps d'intervenir. Il voit Jean, son ami, son frère, le seul être qu'il aime avec sa mère, et frissonne jusqu'au moelle en le voyant ainsi affronter follement le précipice. Il quitte à son tour l'abri des buissons et se montre à découvert. Les Mexicains l'aperçoivent et lui envoient un feu de salve. Lui s'aplatit sur le sol, entend siffler les balles qui passent trop haut, se relève et détale au bord du torrent avec l'agilité d'un chevreuil. Il ne pense qu'à Jean, et regardant les eaux qui fuient plus vite encore que lui, se dit « C'est vrai qu'il nage comme un caïman, mais cette eau file comme un cheval au galop, il va être brisé au rocher, et puis où donc atterrir ?» En s'élançant, il a saisi machinalement sa carabine et son lasso. Un acte de prudence instinctive chez ces rudes aventuriers. Il n'a pas de munitions. La carabine est vide et aussi inutile qu'un bâton. Le lasso ne peut guère lui servir davantage, à moins cependant qu'il ne rattrape Jean. Il court de plus belle en terrain découvert, l'œil toujours fixé au fond du torrent, avec l'angoisse horrible de songer que Jean est peut-être mort. Devant lui commencent à se dresser des obstacles. Les buissons rabougris sortent des pierrailles. Il y a quelques roches mêlées d'arbustes. Les Mexicains tiraient toujours, mais ne réussissent pas à l'atteindre. Et cela se comprend. Ils font feu au galop et cette allure coupée de soubresauts enlève toute rectitude à leur projectile. Néanmoins, il gagne peu à peu sur lui en suivant cette direction parallèle à la sienne. Il se dit, en voyant cette manœuvre destinée à lui couper la voie, « Si je puis atteindre ces obstacles, je suis sauvé. » Enfin, il rencontre un buisson. Vite, il se jette à plat ventre derrière lui, s'approche en rampant de la faille et regarde tous ses yeux. En bas, rien que l'eau jaunâtre qui gronde et bouillonne à 30 pieds de profondeur. Un peu plus loin, la faille tourne brusquement. Il lui semble apercevoir une masse noire qui flotte et tournoie au gré des flots. La rapidité du courant l'empêche de reconnaître la nature de cette épave qui disparaît au coude formé par le courant. Cette vue lui redonne un nouvel espoir et une nouvelle vigueur. Il se relève et bondit à travers les broussailles, les arbustes et les éboulis. Ces modifications de terrain lui sont favorables. Sans ralentir notablement sa course, elles entravent bientôt celle des Mexicains acharnés à sa poursuite. Des escarpements s'élèvent des deux côtés. Le torrent franchit une gorge et s'enfonce encore. Les cavaliers sont forcés de s'arrêter, mais Joey, dont le pied est aussi sûr que celui d'un chamois, saute agilement d'une pointe à l'autre, gagne à vue d'œil et se trouve hors de danger. Il escalade une série de raidillons qui se superposent et forment des collines. Tantôt éloigné, tantôt rapproché du torrent, il avance toujours, le corps trempé de sueur, la face cuite par le soleil, mais vibrant quand même d'endurance et d'énergie. Contre toute vraisemblance, contre toute possibilité, le pauvre Joey veut espérer. Il arrive au point culminant de la Sierra. Depuis plus de 2 heures, il court ainsi sans relâche à travers 1000 et 1000 obstacles. Maintenant, il faut descendre. Au risque de se rompre le cou, il s'élance follement, dégringole en 20 minutes le versant opposé, retrouve le cours d'eau et pousse un hurlement de folie. Joie, désespoir, il le sait, mais il aperçoit de loin quelque chose qui le met hors de lui. Brusquement, le torrent s'est élargi après être sorti de la gorge. Il coule à présent à fleur de terre et va se perdre dans un lac dormant au milieu des sables, comme une émeraude sertie d'argent. Un groupe se tient sur la rive opposée. Il y a une dizaine d'hommes vêtus en mineurs, puis une femme agenouillée près de 2 corps immobiles sur le sable. 50 mètres environ les séparent. À l'aspect de la femme vêtue du costume des gens du peuple, tout son sang, comme on dit familièrement, ne fait qu'un tour. Un nouveau cri jaillit de sa bouche. « Mamita, mère chérie, c'est moi, moi, ton Joey !» En même temps, il laisse tomber carabine et lasso et se précipite dans la rivière. Ses gens nagent comme un caïman. Lui, Joey, nage comme un marsouin. Un cri répond au sien. La femme se lève, lui tend les bras en bégayant. « Joey, mon chéri, mon amour, mon cher petit !» En quelques brasses rapides, il franchit le cours d'eau et, tout ruisselant, se jette au cou de sa mère qui sanglote, éperdue de joie et de tendresse. « Mamita, toi ici ? Oh, c'est trop de bonheur !»« Mais Jean, mon pauvre Jean !»« Tranquillise-toi, il vit !» dit-elle, radieuse, en montrant les 2 hommes étendus sur le sable. Il ouvrait les yeux et me reconnaissait quand je te vis. Une voix amie, faible encore, mais distincte, le fait bondir. La voix de Jean qui murmure. « Mamita, mon bon ange, Joey, mon frère aimé. » Les hommes au costume de mineur qui frictionnaient vigoureusement Jean de Fer s'écartent. La métisse, le cœur battant, les yeux pleins de larmes, s'accroupit sur le sol, met sur ses genoux la tête de Jean, l'embrasse avec sa tendresse passionnée et lui dit de sa douce voix coupée par les sanglots. « Je savais bien, vois-tu, mon enfant, qu'il fallait que je vienne. Quelque chose d'irrésistible me poussait. Je sentais mes 2 fils en péril et je suis parti. Me voici. Vous vivez, béni soit Dieu. Merci, Mamita. Merci, ma seconde mère. Mais l'autre, mon compagnon, que j'ai le bonheur d'arracher à la mort. C'est vrai, je l'oubliais, dans la joie de te revoir. » Un mineur vient de verser dans la bouche de Harry une large rasade d'aguardiente. Secoué comme par une pile électrique, le jeune homme s'agite, ouvre les yeux et se ressaisit. Ayant survécu à l'effroyable chute, arrachée par miracle à la noyade, il regarde ces gens qui l'entourent, reconnaît Jean et Joey, leur tend les mains et leur dit « Vous vous aimez comme 2 frères. Je vous dois la vie. Voulez-vous de moi pour un tiers, dans votre affection ? Je serai le 3e frère. » En même temps, il se dresse à demi et leur tend ses mains tremblantes qui cherchent les leurs pour les serrer. Au son de cette voix, Mamita pâlit et tressaille, comme si elle recevait une balle en plein cœur. Elle regarde alors fixement, avec des yeux d'épouvante, ce jeune homme qu'elle avait à peine aperçu, tant les soins donnés à Jean l'absorbaient. Elle voit cette taille de géant, ses larges yeux gris, ce visage énergique encadré d'une barbe blonde et s'écrie « Le capitaine Mike !» L'officier d'ordonnance de l'empereur Maximilien, l'homme qui... « Vous vous trompez, bonne mère, » interrompt Harry. L'ancien officier d'ordonnance de l'empereur, le capitaine Mike, aujourd'hui le colonel Mike, abréviation de Michael Jones, est mon père. « C'est juste, » répond amèrement la métisse, il y a de cela 25 ans, et le fils est le portrait vivant du père à cette époque. Vous avez connu mon cher père ? Oui, et pour notre malheur à tous. Jean, ou plutôt Tonio, Tonio Valdès, tu as sauvé la vie du fils de celui qui fut le bourreau de tes parents et le rapporte à la ruine, le déshonneur et la mort. Ainsi s'achève le tome 2 de Juana, la fiancée mexicaine, de Louis Bousnard.